J'entre. Je ne te plais plus? Oh, si, si. Oh, ça. Si. Ben alors, qu'est-ce que tu attends? J'ai failli me casser la gueule dans le corridor. Toujours des fausses joies, hein? Ça vous aurait plu à que je me casse la gueule? Pourquoi? J'aurais dû trouver un autre client. Très juste. Puis de toute façon, maintenant, c'est trop tard. Vous détestez les Français, hein? On ne peut pas se permettre de détester son vainqueur. Eh non. On peut pas. Oh, dis donc! Quelle grosse tête, hein? C'est qu'il y en a là-dedans. Probablement, hein? Tout de même, vous auriez pu demander qu'on répare la minuterie. Il y a beaucoup d'autres choses plus importantes à réparer à Innsbruck. Nous sommes détruits à 70%. C'est gentil chez vous. Oui. Où on va par là? Ça te ferait-il ton compte si je te disais merde? Oh, comme vous parlez bien le français. Ici, nous savons presque tous. Dans ma famille, surtout. Mon père était professeur et ma petite sœur, elle, n'a pas d'accent du tout. Tandis que vous, les Français, vous ne parlez que le français. Ou alors l'anglais. Ah, pardon, pardon. Je sais... Ich liebe dich. Et guten Tag. Et je sais aussi... Stimmung, l'atmosphère. Et gemütlich, plaisant. Ça vous épate? Tu ferais mieux de ne pas me dire fou. Pourquoi? Tu ne crois pas que vous pourrez te gêner tout à l'heure? Rien ne me gêne. Alors dans ce cas... Oh, mais pour être gemütlich, t'es vraiment gemütlich. Tout de suite, la bagatelle. Non, non, pas tout de suite, on a le temps. Mais un homme doit se prouver de temps à autre qu'il est un homme. On ne peut pas passer toutes ces soirées au coin du feu près de la bonne grand-mère. Hein? Tu es diable! On sait ce que c'est, les affres de la chair. Non, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Vous savez, vous êtes une vraie fête pour moi. Quoi? Oh, une vraie fête. Vous êtes si jolie. Ah oui? Oh là là. Tant que ça? Oh là là. Alors, tu ne me trouves pas trop chère? Bon, trop chère? Mais vous êtes pour rien! Et encore, tu n'as rien vu? Oh si! J'adore vos yeux. Nous ne sommes pas ici pour ça, hein? J'adore vos yeux. Fous-moi la paix! Tu as droit à tout le reste, laisse messieurs tranquilles. C'est bon! Il te plaît pas le reste? Oh si! Oh là là, si! Eh ben alors? Si vous saviez de quoi je devais me contenter avant vous. Ça va, ça va, tu vas pas me raconter ta fille, hein? Non, d'ailleurs, je suis injuste, j'ai tout de même eu Henriette, une petite modiste que j'avais rencontrée sur les chevaux de bois. 15 jours après, cette gourde, elle se réconciliait avec son mari. Je pense que ça lui a réussi. Si je te laisse aller, nous serons encore ici à 8 heures, hein? Oh, j'aimerais! Eh ben, moi pas! Allez, grouille, grouille! Bon, c'est distingué, ça, grouille, grouille. Je travaille surtout avec les deuxièmes classes. Tu fais tes robes toi-même? Excuse-moi. Oh, c'est rigolo. Quand j'étais petit, j'en avais vu un pareil au grenier. Et je me disais avec Ernest, c'est comme ça qu'elles sont quand elles sont déshabillées. J'espère pour toi que tu étais très petit. Non, 6 ans, 6 ans et demi. Tu dois pas être de Paris, toi, hein? Non! Tu as fait la guerre? Non, j'ai tout de suite été vainqueur. Et de vainqueur, je suis passé occupant. J'occupe. Et je t'occupe. Tu ne trouves pas que tu manques de tact? Oh, oh, mais si, bon Dieu! Oh, t'as raison, je te demande pardon, je me suis conduit comme une brute. Mais ça y est que ce soir, je suis plutôt à la rigolade. Non, parlons plus. Mais j'ai d'autant moins d'excuses que moi aussi j'ai été occupé. Bon, n'en fais pas un drame, hein? J'en fais un drame. je me suis conduit comme un dégueulasse. Je te pardonne. Merci. Mais dis donc, je te comprends pas, là. Pourquoi n'essaies-tu pas d'avoir une fille, une vraie fille, une fille à toi, au lieu de te contenter de moi? Mais je sais pas. T'es pas terrible, terrible. Mais tu es jeune. Tu sais, quand on n'est pas terrible, la jeunesse passe plus vite. Embrasse-moi. Oh, bien volontiers. Toi, tu vas rendre une femme très heureuse un de ces jours. Ah oui? À quoi vois-tu ça? Bah, tu embrasses comme quelqu'un capable de rendre une femme très heureuse. Oh, c'est si bien que ça. Tu es timide, hein? Très! Tu es très, très timide. Non, pas autant que mon père. Il était si timide? Oh, c'est bien simple. Je pourrais avoir 3 ans de plus. Heureusement que ma mère l'adorait. Quel dommage que tu sois français. Je te plairais sans ça. Guten Abend, Victoria. Oh, guten Abend, Konrad. Wie geht's? Danke, und du? Willst du deinen kleinen Konrad nicht küssen? Warum nicht? Non, mais dites donc, vous... Entschuldige, das Fenster stand offen bis in den nächsten Tagen. Non, mais sans blague. Parce que la fenêtre était ouverte, il a cru que j'étais seule. Bah, ferme les rideaux pendant que tu y es. C'est ta faute, avec ta manie de bavarder. Mais t'avais pas besoin d'embrasser sur la bouche. C'est un copain. Oh bah oui, si on devait embrasser tous ses copains sur la bouche. C'est un client aussi. Oh, pardon. Tu vas pas faire la gueule, hein? Non, que veux-tu, c'est déplaisant. C'est une chose qui déplaît. N'oublie pas que ce soir, tu es à la rigolade. Oh, ça risque pas. Comme je dis toujours, plus tu dépenses de gaieté, plus il t'en reste. Bon, bah, allez, hein, assez discuté. Allons-y. Le chapeau d'abord. Oh non. Oh non, non, non, non. Non, non, tu veux que je garde mon chapeau? S'il te plaît, oui. Oh mon Dieu. J'aime pas beaucoup les compliqués, hein? Mais c'est pas ça. Mais pas encore, ça se comprend, mais le chapeau... Mais écoute-moi. Si c'est ça l'amour à la française... Mais ce que je te dis, tu... Non, non, mon vieux, faudra te passer de chapeau. Mais je me fous de ton chapeau. Non. Je te dis ça parce que tu vas trop vite. Nous avons déjà perdu un quart d'heure. Non, oui, oh, je sais. Grouille, grouille. Eh ben oui, grouille, grouille. Je voudrais t'aimer à tête reposée. Pas question, hein. Oh, surtout que pour moi, t'es une vraie fête. Je sais. Écoute, si nous révisions nos conditions, tu me donnerais une heure de plus? Ça te coûtera le double, hein? J'y gagne. Bon. Voilà d'abord ce que je t'ai promis. Une carte de sucre avec notre nouvel arrangement. Ça fait 2. Très bien. 2 cartes de pain, ça fait 4. Bien. 1 carte de légumes secs, ça fait 2. Bon. 1 carte de viande, ça fait 2. Très bien. Et 1 carte de matière grasse, ça fait 2. Parfait. Et 1 bon pour une paire de chaussures. Quel chou tu fais? J'en ai tellement besoin pour mon travail. Oui, alors là, malheureusement, je peux pas t'en avoir 2. Tant pis. Mais le lait... Tu m'en avais promis 2 boîtes, hein? Ah bah, t'as tes 2 cartes. Ah oui, c'est vrai. Et puis, le lait. Hop! 1, 2, 3 et 4. Merci. Et le chocolat? 4 tablettes. 4. Bravo! Et 1 paquet de biscuits en rabio. J'aurais dû prendre ma musette. Tu es sûr de ne rien oublier? Le sucre? Ben oui, t'as tes cartes. Ah ben oui, c'est vrai. Oh, mon chéri, mon chéri. Tu m'appelles ton chéri? Ça m'a échappé. C'est tellement merveilleux. Ça, j'avoue que c'est assez merveilleux. Mais alors, dis-donc, à qui as-tu demandé tout ça? J'aime pas demander. Ah? D'autant que je peux pas blairer les types de l'intendance. Mais alors, comment fais-tu donc? Je me sers. Oh, la pagaille française. Ah, l'ingratitude autrichienne. Mais alors, dit-on, tout ça ne t'a rien coûté? Oh, bah, t'es déçu? Oh, non, vraiment, c'est trop facile. La vie est trop facile pour vous. Oh, bah, j'ai rien payé, c'est entendu, mais j'ai risqué 6 mois de prison. Ah, tout de même. Oh, bah, Et peut-être plus. Mais faut pas croire, la pagaille française, la pagaille française, c'est vite dit. C'est égal. Quand je pense que nous n'avons droit qu'à 1289 calories par jour et que tu as réussi à voler tout ça sans qu'on s'en aperçoive. Eh ben vas-y, engueule-moi. De 0 à 6 ans, 1238 calories par jour. À partir de 6 ans, 1289 calories par jour. 51 de plus. Tu n'as pas honte? Moi, tu sais, moi... Oui, naturellement, tu t'en fous. Mais même un Chinois n'en aurait pas assez. Ouais, et pourtant, les Chinois... Enfin, tu as été très gentil. Et ce qui est convenu, est convenu. Oh non! Oh non, non, non, non! Non, je suis pas dans le Stimmung. Mais tu vas me vexer, hein? Je suis pas dans le Stimmung, je te dis. Toi, un Français? Cigarette? Cigarette? À la bonne heure. Oh, je n'aime pas le tabac français. J'ai aussi des américaines. Oui, naturellement, vous avez tout, vous autres. Qu'est-ce qu'on dit? Tu me donnes toute la cartouche? Je te la donne, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci qui? Ah bah oui, au fait. Merci qui? Merci, Charles. Merci, Charles. Mon petit Charles chéri, ce serait trop? Oui, ce serait trop. Tu n'aurais pas une boîte d'allumettes? Et que j'ai payé? Elle. C'est bon, hein? Je voudrais que tu te souviennes de moi. Mon pauvre Charlot. Oh, mais si je faisais quelque chose d'extraordinaire, pourtant. Oui, si tu t'en allais là maintenant, en me laissant toutes ces merveilles, peut-être. Comme tu disais très justement, je suis français. Alors je ne vois vraiment pas. Je vais te donner une robe. Quoi? Un coupon pour une robe. Oh, nom de Dieu! Je te le fais pas dire. Une robe, tu te rends pas compte? Une robe? Et ce coupon-là, je l'ai fauché chez vous. Un jour que j'avais affaire à la mairie. Oh, Charles! Oh, je ne serai pas ingrate! Tu vas la voir, ta fête! Je crois, oui. Et je t'émoue ou pas, je te conseille de ne pas attendre parce qu'en ce moment, je suis capable de t'aimer. Tu me le diras pas deux fois. Et profite de ma bonne humeur, hein? N'attends pas que je change d'idée. Pas si bête. Les rideaux, vite. Oh, bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu. L'électricité. Oh. Bah, ramène la couverture. Ah oui, il faut que je fasse le ménage en plus. Bis tous, Manfred? Franz? Hugo? Wilhelm? Joseph? Johan? Tu te sens pas trop seul? Elsa! Tu pouvais pas le dire tout de suite. Ich hatte so gefroren. Parle français. Sois poli devant monsieur. J'avais tellement froid. Mais dis bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour mademoiselle. J'avais tellement froid, il y avait un vent terrible dans la rue. Je sais bien que tu m'avais dit de pas rentrer, mais les rideaux étaient ouverts. Ils s'étaient fermés. Ah, mademoiselle a peut-être regardé avant que je parle de la robe. Ne te fâche pas, Carola. Je vais sortir. Carola? Tiens. Mange d'abord. Du chocolat? Des biscuits? Mais je croyais que tu t'appelais Victoria. C'est mon nom de travail. Je l'ai choisi aussi ridicule que possible. Non, ridicule. Ah oui. Pour une Autrichienne qui débutait en 45, parce que j'ai débuté en 45. Ah oui, en même temps que... En même temps que... Elle va s'étouffer, hein? Mange convenablement, n'oublie pas devant qui tu manges. Je vous déteste. Je sais. C'est ta sœur? Oui, comment as-tu deviné? Non, mais avec une frémousse pareille, je me doutais bien que ce ne pouvait pas être une de tes copines. Merci pour nous deux. Et tu as pu la garder si... Enfin, c'est si... Victoria qui l'a gardé. Ah, misère. Chez nous, en Autriche, quand nous obtenons quelque chose pour pas cher, nous disons « Je l'ai eu pour une chanson ». Oh, c'est joli. Les Français qui sont plus réalistes disent « Je l'ai eu pour une bouchée de pain ». Eh bien, voilà. Les Français m'ont eu vraiment pour une bouchée de pain. J'ai plus faim. C'était bon? Merde! Mais voyons, ma petite fille, il faut pas parler comme ça, c'est pas gentil. D'abord, nous sommes tous du même sang, vous et nous. Il est fou? Elle a raison, tu es fou. Nous avons tous du sang celte. Et les Autrichiens et les Français ont du sang celte. C'est pas vrai. C'est le général Béthet qui l'a dit. Tac. C'est un menteur. Et puis nous sommes ici pour vous aider. C'est pour ça que vous... vous payez pas dans les tramways? Bon, on paye pas dans les tramways, mais on est obligé de se tenir sur la plateforme. La meilleure place? Pas en hiver. Et quand je pense que vous avez détruit l'opéra de Vienne, l'opéra, et que vous avez réquisitionné notre piano... Non, permettez! Et quand je pense combien nous vous aimions avant la guerre, et même en 43... Pardi, en 43... Tu ne vas pas discuter avec cet enfant, hein? Non, mais ce qui m'agace, c'est sa mauvaise foi. Tu vas ramasser tous ces coupons. Oui, Carola. Et tu en tireras de quoi nous faire à dîner. Je prendrai de la viande. Prends de la viande. Je peux emmener papa? Oui, ça le distraira. Il est toujours tellement triste. Comment mais... Il était là! Il fait tellement froid et le pauvre vieux n'est plus très jeune. Mais il a été là tout le temps! Non, on n'entend absolument rien. Oh, bah ça alors! Mais enfin, c'est incroyable, j'ai dû avoir l'air fin, moi, avec mon ch'timoung. De toute façon, ce n'est pas mon père, c'est le sien. Notre mère est partie avec un chleu en 38 et je l'ai pris en charge. Bah, c'est tout de même ton beau-père. Je te dis qu'on n'entend absolument rien. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je tiens à vous rassurer tout de suite, je suis ici pour une simple vérification. Ah oui? Mais les papiers de mademoiselle sont parfaitement en règle. Tant mieux, monsieur, tant mieux. Voilà. Enfin, bon, ben voilà. Vous m'excuserez, une série de courses à faire. Je vous en prie. Oh. Je ne pense pas vous retrouver quand je reviendrai. Ça m'étonnerait. Adieu, monsieur. Adieu, monsieur. Portez-vous bien. Ne revenez pas avant une heure. Ah? Pas avant une heure? Arrête! Schwein! Non, mais dites donc, vous. Hein. Pardon. Je suis trempé. Il va falloir que je me change. Ces petites filles sont folles, hein? Avec quelqu'un d'autre que moi, Dieu sait ce qui lui serait arrivé. Heureusement, ce n'est que toi. Heureusement. Oh non! Non! Mais comment non? Mais si, il n'y a pas de raison. Ah, tu trouves? Ce n'est pas parce que ma sœur... Eh bien si, justement, ta sœur, ton beau-père, tout ça. Tu as été très honnête, je le serai autant que toi. Mais il n'y a pas que l'honnêteté. Dans notre métier, si, il n'y a que ça. C'est notre honneur à nous. Ah? Moi, tu comprends, je ne demanderais pas mieux que de tout laisser là, hein? Mais ça ne se fait pas. Ah bon? Ça se fait pas. Ben non, tu comprends. Alors je n'aurais qu'à chaque fois dire à ma sœur, tu le regardes entrer, tu attends un quart d'heure, tu t'amènes, tu lui laisses juste le temps de payer et... Bonsoir, militaire. Bonsoir, militaire. Non, non, ce serait trop facile. Tu es venu pour la bagatelle, tu l'auras. Eh ben, si on m'avait dit qu'un jour je me ferais prier. Suppose que ça se sache dans la Hofkasse, hein? Moi, je n'aurais plus qu'à aller me rhabiller, c'est le cas de le dire. Bon, t'as de ces expressions. Je travaille surtout avec les deuxièmes classes. Écoute, Carola. Je voudrais être joli garçon. C'est bête ce que tu dis. Moi, je suis pas ravissant, c'est entendu, mais... Mon père était pas terrible non plus. Encore moins terrible que moi. Et tu me pardonnes. Et je t'ai dit qu'il était timide. Et bien pourtant, ma mère l'a adoré. Ouais, c'est une des belles choses de ma vie. La façon qu'ils étaient, ces deux-là. Il lui lisait le journal, et sans en avoir l'air par-dessus son papier, il la regardait fourrager dans la cuisine. Elle faisait semblant de ne pas s'en apercevoir, mais... Il y a des fois, il me disait bonsoir très vite. Si une femme pouvait me regarder comme ça... Comment crois-tu que je te regarde? Pas seulement eux, ils s'étaient connus tout petits. Pour s'aimer, ils n'avaient eu que la rue à traverser. Vieux Charlot. Nous, tu penses, si on est loin, on n'a pas les souvenirs pareils? Moi, j'ai pas de souvenirs. Avec ce que je me rappelle, j'ai pas pu m'en faire. Si seulement je pouvais ne pas avoir de mémoire. Pas joli comme te v'là, t'as bien eu un fiancé quand même. Oh, tu l'as dit, j'en ai eu un, oui. Manfred. Beau? Très beau. Je l'ai adoré. Et tu l'aimes encore? C'est pas à toi que j'irais dire ça, hein. Non, oh, ouais, pfff. Mais ne fais pas la gueule. Je ne l'ai plus. Je ne suis plus que sa maîtresse de temps à autre. Non, oh, ouais, je vois. Et c'est, paraît-il, parce qu'il me méprise qu'il me fait très bien l'amour. Est-ce qu'on peut être salaud, dans le fond? Oui. Parce qu'enfin, il a bien su que tu faisais ça pour les nourrir, aux autres. Et lui aussi, de temps en temps. Vache d'existence. Est-ce que ce sera long de te venir vieille? Je peux faire quelque chose, Victoria? Appelle-moi Carola. Merci. Allez, viens, viens. Toi, au moins, tu es propre, tu es chic, tu es pure. Pas tant que ça. Avec toi, je suis sûre que ça ne m'ennuiera pas. Non, tu dis ça. J'essaierai même d'être heureuse. Je te le promets. Merci. Chérie. Carola! Fred! Vas-y, Schnaz! Schadok, une créature éclairée. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais dis donc, vous vous gênez pas! Une française? Grosse-grotte? Non! Non! Non! Oh, bah merde alors! Une de Schnalin, dit Klein, Schnaz! Je l'ai pas dit. Où est-il? Où est-il? Où est-il que je lui casse la gueule? Ah, il est parti, hein? Oui. En voilà un petit con. Ça se croit tout permis, ma parole. Tu as mal? Mais c'est qui tapait comme un sourd, cet idiot-là? Il a bien vu que j'étais tombé? Ou est-ce qu'il a appris qu'on frappe un ennemi à terre? Quelle sale mentalité! Je ne te connaissais pas. Je suis sûr qu'il a frappé après que j'étais KO. Tu te fais décider. C'est curieux, je vois bien que de cet œil-là. Parce que l'autre est au beurre noir, comme vous dites. Oh, tu te rends compte, sur l'œil? Mais c'est diabolique. Parce qu'enfin, pour taper vraiment juste sur l'œil comme ça, faut vraiment viser. Oh, tu t'énerves, tu t'énerves. Oh, ce qui m'a mis dans l'estomac, j'aime mieux pas y penser. Ben non, parle pas. C'était Manfred, hein? Manfred? Mais tu comprends pas, Manfred, ton fiancé? Sûrement pas. Oh, je t'ai entendu l'appeler. Je l'ai pas appelé, j'ai demandé. C'est toi, Manfred? Il avait les clés, en tout cas. Tu crois? Mais enfin, lui ou un autre, une seule chose est sûre, c'est que j'en ai pris plein la gueule. Si je te faisais une compresse, c'était le fesse. Oh, s'il te plaît, oui. D'ailleurs, maintenant, tu peux tirer les rideaux. En ce moment, j'aurais plutôt besoin d'une mère. Voyez! Les rideaux, vite! Oh mon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu! Je me déshabille et je me couche, hein? Nous venons de faire l'amour! Ah non! À la rigueur, je veux bien admettre que nous allions le faire! En tout cas, tu ne sais rien, tu n'as rien vu, hein? Ouvrez, allez! Après ce qu'il m'a fait? Oh, je t'en supplie! Oh, ce que t'es belle! C'est pas le moment, hein? Oh, tu me plais à la folie! Alors prouve-le, sauf moi. Je suis dans le lit. Ouvre. Oui. Tiens, tiens, tiens. Un de ces messieurs du 37e. Brigadier. Petite tenue. Très petite tenue. Excusez-moi, brigadier, je m'attendais pas à votre visite. Ah, je vois ce que c'est. Monsieur est à la rigolade? Pour ainsi dire, oui. Prenez garde, il paraît que l'amour en haute dose, ça rend sourd. Qu'est-ce que vous dites? Je vois ce que c'est, vous êtes un rigolo. Bon matin, écoutez-moi bien. Nous recherchons un homme, et nous sommes sûrs qu'il est entré ici. Ici? Ben, peut-être pas dans cette chambre, mais dans cette maison. Mais pourquoi le recherchez-vous? Ça ne vous regarde pas. Ah bon? Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Non. Réfléchissez bien. Non, mais j'étais occupé. Je sais. Et alors, nécessairement... Je pourrais peut-être demander à cette dame. Dans ces occasions-là, les dames gardent plus de sang-froid que nous. Vous êtes un cerveau, vous dites donc. On le dit. Pas assez souvent, mais on le dit. Alors, nous essayons. Hé, hey, Victoria. Joli nom. Madame. Mes compliments! Vous l'avez positivement exténué! On fait ce qu'on peut. Dites donc! Je ne m'étonne plus que vous n'ayez rien entendu! Face! Je vous préviens tout de suite, elle comprend très mal le français. Et malgré ce handicap? Oh, eh ben, bravo! Voilà comme nous sommes, nous autres chasseurs. Vas, vas! Madame s'impatiente. Madame, est-ce que... Est-ce que... Vous... Ich... Vu... Vu... Un homme. Oui, j'ai vu, lui! Non, un autre homme. Oh, pas deux en même temps. Si pas vu, si pas vu. Entendu, peut-être. Oui, c'était entendu avec lui. Elle est idiote. Oui, mais... Elle est idiote, mais belle. On peut pas tout avoir. Non, c'est pas possible. On l'a vu entrer dans cette maison. Alors, il a sûrement frappé quelque part. Ah oui, ça probablement, oui. Et il a dû frapper avec l'énergie du désespoir. Qu'est-ce qu'elle a à rire bêtement comme ça? Elle est complètement idiote. Hein. Elle a dû comprendre autre chose. Vous, pas entendu homme, frapper porte? Non. Non? Eh ben, tant pis. Tant pis, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Cabinet de toilette. Vous saviez pas que c'était le cabinet de toilette? Non, pas encore, non. Tiens! Une bonne chose en tout cas, il n'est pas dans le cabinet de toilette. Oui, ça c'est une bonne chose. Où donne cette porte? Foissin, docteur! Vous voyez, police? Police! Pas de réponse, naturellement. Vous verrez que tout ça finira par m'énerver. Vous verrez. Je reviens tout de suite. Je sors. Allez, on va voir un peu ce qui se passe dans la chambre à côté. Superbe. Tu ne le regretteras pas. Regardez, il y a un couloir qui mène une autre porte, quelque chose. Je vais voir, vous allez. Voilà. C'est un truc à me faire passer au tourniquet. Au tourniquet? Non, je t'expliquerai, c'est pas le moment. À qui dites-vous ça? Ça quoi? À qui dites-vous que c'est pas le moment? Mais à vous. À qui voulez-vous? Elle est idiote. Eh bien, puisque c'est à moi de vous parler, puis-je vous demander de quoi? C'est pas le moment. C'est pas le moment de perdre son temps. Je perds mon temps, moi? Oui, il me semble, oui. Enfin, j'en suis pas sûr, remarquez bien, mais pendant que vous vous occupez du voisin, l'autre se carapate. Vous me donnez des conseils? Non, je me permettrai pas. Eh bien, moi, je vais vous en donner un. Restez à votre place. Pour rester à sa place, il faudrait d'abord savoir où elle est. Si j'étais vous, j'arrêterais de faire l'acrobate. Excusez-moi, brigadier. Je vous ai demandé simplement si vous aviez entendu quelque chose. Encore? Mais à force de pas écouter, vous allez devenir sourd. Qu'est-ce que vous dites? Vous voyez, ça commence. Vous vous permettez? Nous n'avons rien vu, rien entendu, c'est clair. Bon, j'enregistre. Vous n'avez rien vu, rien entendu. Bon. Mais est-ce que vous savez autre chose? Vous devez me dire tout ce que vous savez. On vous dira tout. Tiens. Mais dites-moi, chasseur, vous vous êtes fait casser la gueule? Moi? Vous avez l'œil droit poché comme un turbo. Non, première nouvelle. La bouche tuméfiée. Tuméfiée? Mais c'est beaucoup dire. Je suis sûr qu'il doit vous manquer plusieurs dents. Des molaires, alors, parce que je m'en rends pas compte. C'est lui qui vous a cassé la gueule, hein? Qui ça, lui? Le fugitif! Mais pas du tout. Simple querelle d'amoureux. Oh, dites donc. C'est montagnard, ça tape dur, hein? Je peux vous dire que j'étais tombé, alors elle l'avait facile. Je vois ce que c'est. Elle vous a marché sur la figure? Oui, mais avec de si jolis pieds. Imbécile! C'est toujours comme ça que ça finit. Mais tout devient très clair maintenant. Chasseur, demandez-moi si je suis content. Brigadier, est-ce que vous êtes content? Oui, chasseur, je suis très content. Vous n'avez rien entendu, car vous n'avez rien entendu, c'est évident. Pour une raison très simple, ce type avait les clés. Les clés? Tiens! Mais vous comprenez le français? Ah oui, un mot par-ci par-là. Il avait les clés parce qu'il connaissait quelqu'un dans la maison. Un parent, un ami, une amie. Mais j'espère que c'est pas pour Victoria que vous dites ça. Connaissez-vous un certain Manfred Volksam? Volksam? Elle est idiote. Les idiotes ne sont jamais aussi idiotes qu'on le croit. Les idiots aussi. Ah. Il y en a même qui sont encore plus. Plus idiots qu'on croit. Oui. Allons donc. Qui? Vous, par exemple. Je suis plus idiot qu'on croit, moi. Oui. Ah, mais je suis plus idiot que vous croyez, vous. Je suis pas plus idiot que les autres croient. Si. Vous me faites beaucoup de peine. Quand je suis entré ici, je me suis dit tout de suite, voilà un chasseur qui est idiot. Mais je peux compter sur lui quand même, il va m'aider. Je ne pouvais pas croire que vous étiez bête au point de permettre à un ennemi de s'enfuir. Un ennemi? Ce Volksam a tiré sur un de nos officiers il y a une heure. Non. Oh. Pas par patriotisme, par amour. Mais comment ça, par amour? Hein? Ah oui, oui, non, j'aurais dû préciser. L'officier est une femme. Le lieutenant Marguerite Ardouin des AFAT. C'est pas vrai! Vous mentez! Vous mentez! Tiens. Mais vous parlez français aussi, quand vous voulez. Non, oui, un mot par-ci par-là. Madame, vous vous appelez Carola. Vous mentez! Vous mentez! Victoria! Elle s'appelle Victoria! Ferme ta malle! Mais vous nous avez dit de vous dire tout ce que nous savions. Ce que je vous ai dit ne vous regarde pas. Brigadier, il n'y a pas de porte. Brigadier, il n'y a pas de porte. Comment ça, il n'y a pas de porte? La seule porte, c'est celle-ci. La seule porte, c'est celle-ci. Alors comment est-ce que vous êtes entré? Par la fenêtre, elle était restée ouverte. À la fenêtre, elle était restée ouverte. Eh bien, c'est sûrement par là qu'il est parti. Sûrement. Nous qui nous croyions à surveiller la rue, ce n'est pas la même rue. Très bien, Geoffroy. Reprenez votre poste. Parfaitement, brigadier. Vous êtes bien foutus de moi, tous les deux, hein? C'est dit. Eh bien, je crois que maintenant, mon tour est venu de rigoler. Ne vous gênez pas. Est-ce que vous connaissez cette médaille? Qui vous l'a donnée? On ne me l'a pas donnée. Comment est-elle entre vos mains? Demande à ton amant. Demande à Volksam. Je vous hais. Et ça, c'est rien. Attends deux minutes. Tu sais lire? En allemand, tu sais lire? Je sais lire. Für Manfred Sein Carola. Hein? C'est laconique, mais passionné. C'est ce que ça veut dire? Oh, toi, ça va. Hein? Sur ma vésicule. Regarde ta médaille. Tu remarques rien? Hein? Demande-moi ce que c'est, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Ferme ta malle. C'est une trace de balle. C'est toi qui as sauvé la vie de la jolie Marguerite. Non! Non! Cette médaille, il l'avait donnée à cette femme. À cette femme qui n'était même pas sa maîtresse. C'est elle qui le dit? Qui n'était pas sa maîtresse. Oh, la Française est curieuse. On la trouve à demi nue dans les bras d'un homme, il ne s'est rien passé. J'ai connu une Autrichienne dans ce cas et c'était vrai. Alors Manfred aurait tiré sur cette fille par jalousie. Par jalousie de quelqu'un qu'il n'aurait même pas eu. Ah, c'est qu'il a bien failli l'avoir. Ah, j'en étais sûre. Seulement son fiancé est venu la rejoindre. Alors ça a été tant pis pour Manfred. Tant pis pour elle surtout, parce que Manfred est un amant. Ah, ça, elle a peut-être manqué une belle aventure. Paraît que ton bonhomme en était fou. Manfred n'a jamais été fou de personne. Ça, pas de toi. Ça, sûrement pas de toi. Vous lui faites mal. Oh, vous, ça va, hein? Oh, oh, vous voulez que j'ai mal aussi? Oh. Alors, tu vas me dire où il est? Qui? Ce salaud qui t'a trompé. J'en sais rien. Allons. Mais elle vous dit qu'elle sait pas. Tu trouves qu'il sait pas s'est moqué de toi? Et d'abord, qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui a attiré? Il y avait des témoins! Il avait envoyé des invitations! Ah, c'est rigolo! Si, c'est rigolo. La question n'est pas là, où est Volksam? Si tu savais comme il a été ridicule, ton polichinelle! Paraît qu'il se traînait au pied du lieutenant, il embrassait le bas de sa robe, il pleurait sur ses galons, elle est obligée de le gifler avant qu'il tire! Elle est tellement jolie! Ravissante! Ravissante! Brut! Des yeux immenses, comme ça. Oh, je ne peux pas. Il exagère. J'ai connu un tas de lieutenants. Il n'y en a pas un qui a les yeux comme ça. Et ses yeux, c'est rien. Faut voir ses lèvres. Et ses poumons. Elle a deux poumons. Non. Non, ne crie pas. Mais est-ce qu'elle a souffert, au moins? Presque pas, grâce à ta médaille. Tout de même, ça l'a abîmée. Pas du tout. Alors ça, pas du tout. Ça, je l'ai vu. Avant de partir à la recherche de ton amateur d'officier, elle était fraîche comme un gardon. Oh, c'est trop injuste. Oh, t'es bien femme. Oui, je suis femme. Je l'ai même été plus que je l'aurais voulu. Mais à qui la faute? À vous, cochon. Oh, bon, si on veut. Non, mais nous nous égarons. Et toujours à cause de vos réflexions imbéciles. Je veux cette adresse, ou alors je sévis, et durement. Ah, tu me mentais pareillement. S'il m'avait donné une adresse, elle serait fausse. Elle a raison. Basta. Non, pourtant, brigadier. J'ai dit basta. Il me semble que c'est français. Bon, très bien. Eh bien, je vois bien qu'il faut sévir. Allons-y. Quel est votre nom? Roméas. Roméas. Charles. Charles Roméas. Après tout, je m'appelle bien La Rose. Ah, non, non, je sais ce que vous allez me dire, ça ne se sent pas. C'est une plaisanterie qu'on m'a faite assez souvent. On a eu tort. Et maintenant, Roméas, demandez-moi si je suis content du motif que je vous ai porté. Brigadier, est-ce que vous êtes content du motif que vous m'avez porté? Oui, chasseur, je suis très content. Comme on dit, il n'est pas piqué des hannetons. Et demandez-moi pour combien vous en aurez quand ça aura touché qui de droit? Oh non, non, je ne suis pas curieux. Eh bien, je vais vous le dire quand même. Vous aurez droit au falot, au tourniquet, à presque tout. Il n'y a pas de limite. C'est trop, oui. Tant pis pour vous, vous êtes trop bête. J'ai l'intelligence du cœur. Vous, vous ne devez pas être de Paris. C'est curieux, tout le monde me dit ça. Vous en êtes resté aux filles d'ici? Ben, vous en reviendrez. Tu en reviendras. Ça me ment comme ça respire. Il a raison. Ça a de la bonne humeur, ça chante la tyrolienne, mais c'est dur comme la pierre de la montagne. Il te parle en ami. Et surtout, ça déteste les Français. C'est Hanchelou, ses compagnies. Ça, je vous interdis, je ne peux pas. C'est pas elle qui t'a poché l'œil, ni enfoncé les côtes, quoi que tu dises. Mais console-toi, elle fera mieux. Sans le vouloir. Il y a mille façons de bigorner un type, et ça, crois-moi, elle te bigornera. Il a raison. Elle te fait bien l'amour, c'est entendu. Oh, pas si entendu que ça, non. Mais t'en trouveras d'autres quand tu sortiras, si t'en sors. Parce que t'es pas tiré d'affaire. Mais donne-lui cette adresse. Je ne la connais pas. Mais qu'est-ce que ça peut te faire puisqu'elle est fausse? Je n'en connais pas de fausse non plus. Mais il n'est pas intéressant, ton Manfred. Un type capable de rembourser du drap militaire. Une robe, c'est toujours une robe. Mais enfin, bon Dieu, je ne connais pas, moi, ce Volksam. Eh bien, c'est regrettable pour vous. Suivez-moi. Mais j'en ai même jamais entendu parler. À la place. Vous vous expliquerez à la place. Mais je sais même pas comment il est. À la place. Mais je vous jure, les vidéos étaient tirées. Charles là... Enfin. C'est-il pas plus gentil comme ça? Il me cassait la gueule, je pouvais y aller étudier. Très juste. Je l'ai juste aperçu quand il était en train d'embrasser Victoria sur la bouche. Ah, c'est pendant qu'ils embrassent votre maîtresse sur la bouche que vous observez les gens, vous. C'est vrai, ça. Il a osé m'embrasser. Il a osé m'embrasser, le lâche, le Judas. Quel triste individu. Oh, il a osé m'embrasser. Ce cocu qui donnait mes médailles. À une fille qui voulait pas de lui. 26 Rudolfstrasse. 26 Rudolfstrasse. Merci, mon vieux. Quoi? Très beau travail. Je sens. Brigadier! Nous le tenons! 26 Rudolfstrasse. Attention, il est armé, hein! Oh, je prends attention, brigadier! Bon, vous deux chiots, vous retrouvez le cas échéant. Allons-y, Bergeron. Madame, je vous dis pas merci, ça pourrait vous gêner. Tu l'as dénoncé! Et tu nous l'as dénoncé à nous! Mais ça va se savoir, ça va être mal vu! Et alors, si tu savais ce que je m'en fous, j'espère qu'on le saura. J'espère surtout qu'il le saura et qu'il se trouvera un copain pour me casser la tête. C'est à ça que tu penses? Oh, j'en ai trop vu, tu comprends trop. Alors crever, plutôt crever, c'est tout ce que je demande. En attendant, sois heureux. Non, mais t'es folle! Mais non, il n'y a pas de raison. Ah, tu trouves? Mon père a emporté tes cigarettes, ma sœur a mangé tes biscuits, tes tickets sont perdus, tu t'es fait casser la figure. Je te dois bien de compensation. Ah non, non, non, pas question. Puis tu sais, de toute façon, hein, ça ou autre chose. Oui, ben en ce moment, j'aimerais plutôt autre chose. C'est vrai que je dois pas être bien appétissante. Hein. Oh, t'es merveilleusement belle. Oh, te fous pas de moi. Merveilleusement. À Paris, un aveugle te céderait sa place dans le métro. Tu vas me faire chialer. J'ai pas besoin de ça. T'es belle. Charles. Non. Allez, viens. Non, non, merci, sans façon. Alors, tu permets? Bon, ben. Bon, ben, je m'en vais. J'essaierai de revenir demain. C'est maintenant qu'il faut fermer les rideaux. Pas la peine qu'on te voie pleurer de la rue. C'est encore moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vous ai pas trop manqué hier? Non. Mais si, monsieur, certainement. Et à toi, je t'ai manqué? J'attends tes explications. Ah, tu fais la gueule? Peut-être. C'est pour ça que tu m'embrasses pas? Tu sais que nous n'avons presque plus de provisions et tu nous laisses sans nouvelles. Tu ne te ferais pas parler à monsieur sur ce ton-là. Il n'est pas obligé de faire ce qu'il fait pour nous. Je ne suis pas non plus obligée de faire ce que je fais pour lui. Qu'est-ce que tu dis? Quel vent! Il m'a ébranlé sur mes rotules, comme on dit vulgairement. C'est le fun! Ah, c'est le fun? Un vent qui vient de la montagne. Tiens, tiens. Fou. Allons bon. Si je vous tuais maintenant, on trouverait ça normal. Et je serais acquittée. Toujours les mots pour rire. Je serais peut-être même acquittée sans le fun. Chut! Vous avez pas entendu? C'est comme une espèce de bruit bizarre, comme quelqu'un qui se glisserait derrière la porte. Attendez, j'y vais. Le grand méchant loup a peur des fantômes. Non, non, mais je suis pas tranquille à cause de Manfred. Manfred est en prison, vous le savez bien, à cause de vous. Oh, on en sort des prisons, Dieu merci. Ne change pas de sujet, j'attends tes explications. Nous avons été consignés, corvée de neige. Ah, ça, chez vous, quand il neige, c'est pas pour rire. À croire que vous le faites exprès. On le fait exprès. Oui. Ce qui est bête, c'est qu'avec le... Ah bah tiens, le fun, elle s'est mise à fondre. Et qu'on aurait pu nous éviter tout ce travail. J'accepte tes excuses. Bon, tu penses bien que je me serais pas fait consigner bêtement un jour que vous aviez besoin de moi. J'aime beaucoup ce garçon. Et d'autant que ça fait 4 jours que... Parle plus fort. Ah bah oui, depuis samedi, dis donc. Quoi, depuis samedi? Oui, bon, ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que tu rapportes aujourd'hui? Les bricoles ordinaires. Confiture. Lait. Relais. Relais. Relais. Reconfiture. Chocolat. Encore du chocolat. Gâteau. Et biscuit. Pas mal, pas mal. Et puis? Ah oh bah c'est des petites choses, mais je suis pas tellement grand. C'est très trop. Et puis? Carte de pain. Carte de sucre. Et alors là, je vais vous abuser. J'en ai pratiquement pour tout le quartier. Merci, monsieur. Ah, oh, t'es adorable, va. Tiens, pour le vieux Franz, pour la pauvre Mitzi, et pour les 5 petites prunes pauvres. Oh, excusez-nous, beau papa. Pardon? Il lit, tu le déranges. Et je t'ai déjà demandé de ne pas l'appeler beau papa. Pourquoi? C'est une espèce de gendre? Le gendre qui n'épouse pas? Est-ce, mon enfant, l'exemple que je te donne ne m'autorise pas à te faire des reproches? Mais chaque fois que tu te comportes mal, tu m'humilies. Pardon, papa. Et j'ai aussi quelque chose pour vous, Else. Ah oui? Un canif à 7 branches. Grande et petite lame, ouvre-boîte, ouvre-bouteille, ciseaux, lime à ongles et tire-bouchon. J'aime beaucoup ce garçon. Ah, le premier mot gentil de la soirée. Et c'est pas tout. Une bouteille de cognac pour vous, beau papa, cher monsieur. Je vous remercie beaucoup, mais comprenez-moi, je ne peux guère accepter de vous que le nécessaire. Ah non, mais le cognac est nécessaire. Je vous l'offre pas en digestif, vous pensez bien, seulement pour faire des grogues. Bon, bah écoute, n'insiste pas, je le prends, moi. Mais c'est pas tout. J'ai aussi pensé à ce que tu m'avais demandé. Les chaussures, tu y as pensé. Il faut bien penser à quelque chose. Tu iras toi-même porter ce bon de chaussures à Mitzi. Oui, ma chérie. Tu lui diras que je vais en avoir d'autres. Dès demain, je vais t'en passer chez vous. Qu'est-ce que ça peut-il être? Oh, Mitzi, probablement qu'il vient se réchauffer. Tu crois? Dans la rue, nous sommes les seuls à avoir une cheminée qui fume. Alors, excusez-moi tous. Ah, eh ben, je vois qu'on m'avait pas trompé. Détournement de marchandises au détriment de la tendance. Dites-moi, votre compte est bon? Décidément, vous n'avez pas de chance avec moi. Ah, Ben naturellement, vous êtes là, vous. Naturellement. Et c'est naturellement vous qui... Oui, c'est moi qui... Ce sont les ordres du gouverneur Bétoire concernant la population civile. Quoi? Mais je pratique une politique d'apaisement. C'est le gouverneur qui vous a dit de vider les magasins de la tendance? Ah, non, non, non, non, ça c'est de l'initiative privée. Oui, on nous a aussi recommandé l'initiative privée. C'est à cause de types comme vous qu'on a volé 80 tonnes de riz depuis 45. Tiens, j'avais pas pensé au riz. Entre ceux qui, comme vous, pratiquent une politique d'apaisement et ceux qui volent pour faire du marché noir, on a que l'embarras du choix, des crapules ou des imbéciles. J'ai l'intelligence du cœur. Vous allez voir eux, Mamoumdeux. Bon, j'en connais qu'une cinquantaine qui n'ont rien pris à la compagnie. Ou ils sont honnêtes, ou alors c'est qu'ils connaissent personne. Tiens, tiens. Monsieur Paul, vous savez qu'il y a de quoi nourrir tout un quartier, hein, là. Qu'est-ce que je vous disais? Vous pouvez ouvrir une épicerie. Je n'y songe pas. Alors ça, vous avez vraiment bien fait les choses. Il paraît que la richesse rend avare. Laissez-moi être généreux pendant que j'en ai pas les moyens. Bravo! Je vais appeler Josserand. Ça serait vache de lui faire manquer ça. Josserand est là. Oui, Josserand est là. J'aurais d'ailleurs besoin de lui pour le transport. Josserand! Je vous demande pardon. De quoi? Ben de m'être fait prendre. Ben, tu t'es pas fait prendre, c'est une lettre anonyme. Sûrement. En entrant, il a dit on ne m'avait pas trompé. C'est clair. André, André, Josserand. Vous allez rigoler. Ça, vous allez rigoler. Voyez ça. Eh ben, vous pouvez vous vanter de m'avoir fait rigoler. Tiens, vous êtes là? Bonjour, mon vieux, ça va? C'est lui qui... Oh, ben, félicitations. Qu'est-ce que... Quoi? Je veux dire, vous n'y allez pas, mollo? Non, non, il n'y va pas, mollo. On aura une caisse pour emporter ça. Eh ben, celle-là? Mon bureau! Ah ben non! Ah ben, vous allez tout de même pas lui prendre son bureau, alors que moi, je n'ai fait qu'un voyage. Bon, laissons-lui son bureau. Merci. Non, non, il fait trop froid. Puis, je suis pas certain que nous pourrions le rapporter ce soir. Merci. Je se rends. Notez déjà tout ça, nous aviserons ensuite. Tout de suite, brigadier. Quatre boîtes de lait condensé. Quatre. Deux pots de confiture. Deux. Quarante-huit tablettes de chocolat. Quarante-huit. Pourriez-vous ne pas énumérer ce que vous emportez? Ah, voilà, mais je vous comprends. Et je veux vous épargner ce qui va se passer ici. Voulez-vous passer nous attendre toutes les deux dans la pièce à côté? Et laisser la fenêtre fermée? Oui, monsieur. Ben, je pourrais vous arrêter pour recel, mais je vous ai causé déjà assez d'embêtement comme ça. Oui, monsieur. Parfait, à tout à l'heure. Dites donc, j'espère que nous nous sommes bien compris. Oh oui, monsieur. Vous avez dit à tout à l'heure ou les embêtements vous recommencez? C'est exactement ça. Alors, à tout à l'heure, monsieur. Alors là, monsieur, vous vous êtes mis dans un très, très mauvais cas. Vous avez les cheveux trop longs aussi. Non, ça, c'est pas de votre sort. Oui, en effet. Brigadier, j'ai un bon de chaussure. Ah non, non, pas le bon de chaussure. Hein. C'est pas de votre sort non plus. Alors, tiens. Qu'est-ce que vous disiez, brigadier? Je disais un très mauvais cas. Je sais bien que vous n'êtes pas le seul. Bah, je suis le seul qui soit fait prendre. Non, c'est pas de votre faute, c'est une lettre anonyme. J'aime mieux ça. Brigadier, j'ai tout noté. Parfait, Josserand. Allez, m'attendre dehors. Avec ce froid, vous aimez mieux que je vous attende dehors? Oui, Josserand, j'aimerais mieux. Je vous appellerai. Parfaitement, brigadier. Sans la lettre anonyme, on vous aurait jamais soupçonné. Alors ça, sur ce point-là, vous êtes irréprochable. Oh. Vous avez été d'une habileté. Oh là là. Ah si, ah si, si, ah si. Oh, non, non. Ah si, si, si, oh, si, non, non, ah, non, si. Non, non. Ça, dans votre affaire, on reconnaît la bonne à mettre. Non, ça, il faut des doigtés. Vous voyez que je vous rends justice. Merci. Seulement, il faut aussi une intelligente dans la place. Une autre. Quel est le nom de votre complice? Pardon? Le magasinier, votre complice. Et quel magasinier? Écoutez-moi, si vous me donnez le nom que je vous demande, je me contente d'emporter les marchandises et j'oublie tout. Dites-donc, vous comprenez ce que je vous dis? Rarement. Alors aujourd'hui, je vous trouve encore plus bête que d'habitude. Ça doit être le fun, c'est un vent qui rend fou. Alors, qui est-ce? C'est bien pour vous faire plaisir. Je vous écoute. Il y a un magasinier qui peut pas me sentir. Oui. Dès que j'entre, il me tourne le dos. Alors moi, n'est-ce pas, j'en profite. Tant pis pour lui, ça lui apprendra. Comment il s'appelle, ce magasinier? Je sais pas, j'ai jamais vu de face. Prenez garde! Prenez garde à la colère d'un homme patient! Comme je dis souvent, c'est plus facile de sortir de ses gonds que d'y rentrer. Vous ne pouvez pas faire attention? Vous savez pas où mettre vos pieds? Oh si, oh que si. Ne me tentez pas. Écoute, Charles, avoue que c'est pas de ma faute si je t'emmerde. Ben oui, je sais. Bah, non, tu fais tout ce qu'il faut pour ça. Ben, j'avoue. Pense bien, je vais pas t'arrêter. Ben, je le pense bien. Oui, non, c'est pas à cause des verres qu'on a pu boire ensemble. Ben non. Mais ça la foutrait mal pour la population civile. Ben, ça la foutrait excessivement mal. Ou alors, tu vas me jurer que tu recommenceras pas. Je le jure. Et mieux que ça, t'as pas quelque chose à quoi tu tiennes vraiment? Il y a bien la tête de ma mère. Très bien. Ah oui, mais ça m'ennuie parce que j'y tiens. Eh ben, tant mieux, j'y... Je le jure. La dame de ma mère. Non, alors. La dame de ma mère. Bon, bien. Et maintenant, demande-moi ce que nous allons raconter. Ah ben oui, justement, qu'est-ce que nous allons raconter? J'en ai pas la moindre idée. Allons bon. Je veux bien pas te faire punir non plus que ces dames, mais je veux faire mon travail. Oh, que tu peux être tantillon quand même. Je dois rapporter ces marchandises. Bon, alors où est-ce que je les ai trouvées? Bah oui, où? Ah, dans la rue. Ah, non, ça va pas. Non, alors ça va pas du tout. Bah là, tu pourrais peut-être les déposer à la porte du magasin, comme si une autre andouille les avait oubliées en partant. À notre époque, personne n'oublie nulle part du lait et des pots de confiture. Ça, l'époque. J'ai une idée. Ah. Je vais dire qu'on les a reçus en trop, à la section, à la suite d'une erreur dans les écritures. Très bien. Il y a toujours des erreurs dans les écritures. De la part d'un gendarme, ce scrupule n'étonnera personne. Et on te félicitera de ton honnêteté. Je crois qu'on peut rappeler le chausson. Hé hey, il va pas te contredire? Non, mais non. Tu nous prends pour des chasseurs? Je serai. Allez, on va aller voir tout ça. Et la lettre anonyme? Un salaud et un lâche. Alors ça, on peut compter sur lui. Il n'osera pas protester. Ouais, espérons-le. Ah, je vais vous aider, je serai, parce que tout ça, nous allons pour un moment. Allez. Alors, monte. Quand même, hein. Pardon. Voilà. Allez. Bon, j'oublie rien? Non, c'est tout. Eh ben voilà. Eh ben merci. Eh, y'a pas de quoi? Mais si. Mais non. Mais si. C'est-tu pas plus gentil comme ça? Allez, l'autre rang. Enfin, il est parti. Et il a tout emporté. Ah, ça. Tout. Comment allons-nous vivre cette semaine? Ne t'inquiète pas, mon petit enfant. Tout s'arrangera. Comment? Je ne sais pas encore. Il faut que je parle à notre ami Roméas. Merci pour mon bureau. Où vas-tu? Et moi qui espérais prendre des vacances? Où vas-tu? Où veux-tu que j'aille travailler? Mais avec un vent pareil, il n'y aura pas un troufion dans les rues. Tu es bien sorti, toi. Ben, je venais te voir. Eux me cherchent. Mais on patauge dans une boue, c'est... J'ai de bons souliers à présent, grâce à toi. Ça y est, ce sera ma faute. Et je ne donnerai pas mon bon de chaussures à midi. L'hiver sera rude, j'en aurai besoin. Non, attends. Si je te ramenais des provisions... Tu as juré sur ta mère. Mais alors on entend tout d'un côté. Non, j'avais laissé la porte un peu ouverte. Ah? Les idiotes ne sont jamais aussi idiotes qu'on croit, comme dirait l'autre imbécile. Oui, je m'en rends compte. D'ailleurs, il a été très gentil, il se démanchait pour te sauver. Non, on se démanchait, on se distinguait. Je travaille surtout. Oui, avec les deuxièmes classes, je sais. Bon, je vais les retrouver, mes bons deuxièmes classes. Préviens, est-ce qu'elles sortent, je m'en vais. Regarde-moi, je veux pas, je t'aime, moi. Mais tu me connais depuis 15 jours, à peine. Et alors? Mais alors, tu m'oublieras. Dans combien de temps retourneras-tu chez toi? Dans 3 mois. 3 mauvais mois à passer et je me vante. Mais alors, tu n'aimes pas du tout? Tu sais bien que cette chose-là ne compte pas pour moi, qu'elle n'a jamais compté. Mais on dit ça! Même avec toi, alors. Même avec moi? Je t'ai fait de la peine. Tu me fais plaisir. Comprends-moi, je suis comme quelqu'un à qui ses parents ont fait apprendre un métier qu'elle déteste. Mais je me fous de tes raisonnements, je veux pas. D'abord et d'un, c'est mal. Je sais bien. Qu'est-ce que tu dirais si j'allais m'offrir comme ça dans la rue aux uns aux autres, là? Je ricolerais, hein. Oui, évidemment, ce que je dis est idiot, mais je sais pas discuter, je suis trop simple. Et tu peux pas te rendre compte, mais j'ai mal, mon Dieu, j'ai mal! Mais fous-toi donc de ça! Mais je peux pas, tu comprends? Parce que je t'aime, moi. Comme mon père aimait ma mère. Je voudrais bien t'aimer, mais je peux pas. C'est tellement difficile. Et puis ne le souhaite pas, hein, parce que si je t'aimais, enfin, ce qui s'appelle aimer, nous serions foutus, tous les quatre. Il doit bien pourtant y avoir une solution. Ben, si tu n'en trouves pas, c'est qu'il n'y en a pas. Sûrement la rose qui a oublié quelque chose. Oh ben non, personne. Comment ça, personne? Ah si, une lettre. Anonyme, probablement. Probablement. D'après la façon dont elle a été remise. Ouais, comme on dit, c'est signé. Et ben voilà. Maintenant, c'est fini. Je suis là. Sois pas malheureuse toute seule. Oh, mais elle est pour toi aussi. Bah, tu crois? Mais je connais pas d'anonyme. Enfin, bah, je veux dire, je connais personne dans ce pays. Écoute. Cette fois, je t'écris en français pour que ton amant puisse me lire. Ah, c'est gentil, ça, quand même. J'avais bien espéré te faire arrêter tout à l'heure, mais les gendarmes protègent leurs espions. Mais quelle pocheté! C'est pas toi qui protèges, c'est moi! N'interromps pas tout le temps. Alors, je vais m'occuper de vous. Oh, il est préoccupé avec deux C. Prenez garde, l'heure est venue. C'est tout? Eh ben voilà, mon pauvre Chao. Plus de problème. L'heure est venue. Quelle heure? Quelle heure de mourir? Je crois pas. Oh, tu verras. Oh, serre-moi fort. Avec plaisir. Plus fort. Qu'à cela ne tienne. Mieux que ça. Oh, bah, je fais ce que je peux. Oh, je voudrais que tu me fasses mal. Les autres suffisent. C'est pas à moi de te faire mal, même pour rigoler. Mais qu'est-ce que ça peut faire, puisque nous sommes foutus? Allons donc, nous ne risquons rien ni l'un ni l'autre. Vraiment? Je sens le danger. C'est un sixième sens que j'ai. Oh. Tu es blessé? Non, c'est rien. C'est seulement ce carreau cassé. Nous allons crever de froid. Tu es blessé? Quoi? J'ai le... Oh, ok. C'est assommant. Mon pauvre Charlot. Fais-moi peur. En ce moment, c'est difficile. Hein? Oui. Alors, tape-moi dans le dos. Tu as l'air malin avec ton sixième sens. Ben oui. Avec un verre d'eau, vous bouchons le nez. Ah non, pas la peine, ça y est. Ah ben ça y est, c'est passé. Non. Je sais qui a tiré. Qui? Conrad. Le garçon qui m'en passait sur la bouche par la fenêtre. Ah, oh, la gratitude autrichienne. La rose, déjà. Sauvez-moi. Les gendarmes me cherchent. Ah bah celui-là, il m'en a coupé le hoquet. Faites comme si j'étais là depuis longtemps. Si on me trouve avec vous, on ne pensera pas que j'ai pu tirer sur vous par derrière la fenêtre. On leur dira toute la vérité. Oh non, deux dénonciations en 15 jours, personne ne peut se permettre. Deux dénonciations? C'est vrai. Herr Lessinger ne sait pas. D'ailleurs, vous devriez être gentil avec moi. J'aurais pu vous tuer. Vous êtes maladroit, c'est tout. Non, j'étais seulement chargé de vous faire peur. Je travaille pour Manfred. C'est Manfred qui veut vous tuer dès qu'il sortira de prison. Il sort quand? Oh, ça ne peut plus durer longtemps maintenant. Une semaine maximum. Ouvrez, police! Alors, on me dénonce? Papa, va lire à côté, les embêtements recommencent. Mais si on me questionne... Tu diras que tu as cru entendre un pneu qui éclatait. Tu es un peu sourd. C'est ailleurs frais, heureusement. Bavardez, soyez naturel. Soyez naturel. Offre-lui une cigarette. Tiens, salaud. Vous feriez mieux de me donner carrément les clés, hein. Ah, sérieux, ça c'est rigolo. T'es encore là, toi? Mais qu'est-ce que t'as encore fait? Mais rien. Alors c'est comme ça que tu te fais oublier. Mais enfin, qu'est-ce que t'as encore dans la peau? Mais je sais pas. Alors on te tire dessus maintenant? Bon, on se permettrait pas. Ah, et ben pourtant. Mais pourquoi veux-tu qu'on me tire dessus? Ce serait bête et méchant. Je vous trouve pas très affolé pour des gens sur qui on vient de tirer. Non, hein. Pas assez, même. On est toujours assez affolé. Bon, où est la victime? Il n'y a pas de victime, on m'a manqué. Ah bon? C'est vous qu'on visait? Oui, un peu à cause de notre rencontre de l'autre jour et de l'arrestation qui l'a suivi. Oh? Bon, ben où est la balle? Si personne n'a été touché, elle est bien quelque part. Ah bah oui, ça. Où est la balle? On a tiré par la fenêtre. Où êtes-vous, vous? Dans la rue. Les débris de vide sont à l'intérieur. On a tiré d'ici. C'est ce que j'ai tissé tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est encore que celui-là? Un ami de la famille. Tu le connais, toi? Oui, et même que je l'aime pas du tout. Vous permettez? C'est réciproque. Moi non plus, je l'aime pas. Heureusement, Victoria m'aime bien. Je l'aime bien. Il était là quand on l'a tiré? Et oui, enfin, pas exactement où il est en ce moment, mais il était pas loin. En somme, il aurait pu recevoir la balle tout aussi bien. Ah bah non, ça, il aurait pas pu. Mais pourquoi? Parce... Mais dites-lui, vous, pourquoi? Parce que j'étais étendu sur le lit et que la balle a passé très haut. Tenez. Ici. Elle y est encore. Vous êtes observateur, vous dites-donc? Mes compliments. Merci. Je sais pas ce que tu y trouves, il est très sympathique, ce garçon. Ah, tu trouves? Vous portez pas plainte, vous, naturellement? Naturellement, non. Bon, eh bien, puisque c'est pas sur toi qu'on a tiré, c'est pas de mon sort. Ça regarde la police autrichienne. Ah, la police autrichienne. Vous n'y croyez pas? C'est un œil de fer à un trou des serrures. Et spirituel avec ça! C'est un affreux. Bon, eh bien, je vais vous emmener, vous vous expliquerez entre vous à la police, hein. Mais pas moi! Non, pas toi! On t'a pas tiré dessus, Gourde! Ah ben non, Gourde, on m'a pas tiré dessus, non! Eh ben alors! Pourquoi riez-vous? Parce que je trouve qu'on a peut-être eu tort! Oui, je sais ce que tu vas me dire, il est charmant! Vous n'avez pas besoin de moi à la police? Si! Ben si, parce que ces dames sont tellement vagues, on a l'impression qu'il y a que vous qui savez quelque chose! En vos centres! Tu oublies ta lettre, Conrad? Votre lettre? Monsieur X. Stop! Au fait, changement de programme. Vous passez tous dans la pièce à côté. Bah, tu vas rester tout seul? Non. Mademoiselle va me tenir compagnie. Pourquoi? Parce que j'ai une question à lui poser. Eh ben, pose-la lui maintenant, comme ça tu sauras plus vite la réponse. J'en ai une bonne pour toi de réponse. Non, tu oui, la connais? Oh, c'est facile, ça. Josserand, vous me ferez ce plaisir d'avoir tout ce petit monde-là à l'œil. Soyez tranquille, brigadier. Avancez, vous autres. Qui a tiré? Que voulez-vous que j'en sache? Allons, un bon mouvement! Rappelez-vous, brigadier, dès que je sais quelque chose, je vous le dis. Mais aujourd'hui, je n'ai personne à t'énoncer. Mais donnez-moi un nom, n'importe lequel! J'en connais pas. À la police, ils sauront bien vous faire parler! Comment pourraient-ils me faire dire des choses que je ne sais pas? En s'y prenant bien. Et croyez-moi, ils s'y prennent bien! Nous verrons. Si vous me disiez les choses gentiment, vous vous éviteriez un tas d'embêtements. Moi, j'aurais l'air de vous les avoir arrachés de force. Et ce serait bon pour votre avancement. Et ça serait pas mauvais pour mon avancement. Je regrette, brigadier. Mais pour être aussi ignoble que vous voulez, il faut que je sois amoureuse. Bon, comme vous voudrez. Hein. C'est vous qui l'aurez voulu. Je sors. Brigadier! Emmenez-les tous les trois! J'en ai un de plus, un vieux! C'est mon père! Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien d'intéressant. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ici, c'est moi qui pose des questions! Regarde la rose! C'est moi aussi qui menace! Tu vas me faire faire une bêtise! Alors ça, t'as pas besoin de moi pour ça, hein? Ne sois pas idiot, si j'avais été chantier avec lui, il serait chantier avec toi! Ah! J'ai deux mots à dire à Victoria. Allô, brigadier? Alors à demain tout de même! Je ne t'enverrai plus. Quoi? Plus jamais. Mais c'est pas possible, t'es folle, pourquoi? Je ne veux pas qu'il te tue. Manfred? C'est peut-être parce que je tiens à toi plus que je ne l'imaginais. Mais en ne le voyant plus, tu n'y changeras rien. Il nous tuera séparément, voilà tout. Je ne le saurais pas. Ah oui, et pour vivre en attendant ça, tu seras obligé de fermer les rideaux. Il faut Faudra Pierre. Donc dites donc, ainsi bavardé, vous savez que les autres grelottes dans le couloir. Edmond, prête-moi 2000 francs. Alors toi, ce soir, t'as pas de conversation. Hein. Châtelard veut m'acheter ma bicyclette au pays. Je l'ai vivant et je te rembourse. Si c'est pour mademoiselle que tu veux de l'argent, elle a d'autres moyens que toi de s'en procurer. C'est exactement ce que j'étais en train de lui dire, mais exactement. Je reviendrai demain. Je ne t'ouvrirai pas. Vous êtes plus raisonnable que lui. Adieu, Charles. Eh ben, tu entres ou pas? Ben, j'entre. Qu'est-ce que t'attends? Rien, rien. Tu crois pas que ce vous pourrait te gêner par la suite? Rien ne me gêne. Eh ben, moi, si. La fenêtre ouverte, par exemple. Il fait si beau aujourd'hui. Oui, ben, je la ferme quand même. J'ai fermé la porte aussi pendant que je suis. T'as vu le carreau cassé? Tu te rappelles? Oui. C'est amusant d'être avec toi dans cette pièce. Pour autre chose que pour le travail. Oui. Je ferme aussi les rideaux pendant que je suis. Mais rien ne presse! Ah, mais c'est parce qu'on nous voit de la rue. Quelle importance? On ne fait rien de mal. C'est bien le tort que nous avons. Oh, dis donc! Quelle petite tête! Ah, ça, le maximum dans le minimum. Mais vous êtes à son moment, hein? Mais je te dis qu'on nous voit de la rue. Quelle importance, on bafarde. On n'est pas ici pour bavarder. Tout de suite, la pacatelle, hein? Ah, ça, tout de suite. Et alors, moi, j'ai toujours trouvé ça sérieux, hein? Ça, je vois pas pourquoi on appelle ça la bagatelle. Eh bien, voilà. Lorsque Louis XV a fondé le parc aux cerfs, dis-donc, tu vas me faire un cours? Ça ne vous intéresse pas? Ben, pas trop, non. Alors, enlève ton chapeau et ton imper. Mais... Allez, grouille, grouille. Oh, grouille, grouille, c'est distingué. Excusez-moi, la langue m'a fourché. Si madame la marquise veut bien me faire l'honneur. J'aime mieux ça. Vous n'auriez pas une cigarette? Je peux pas te refuser ça. Malheureusement, j'ai que des bleus. J'adore le tabac français. Ah, tiens. Mais tout de suite après, hein, le paddock. Vous n'auriez pas un peu de feu? Je peux pas te refuser ça. T'as pas d'autres courses à faire dans le quartier? Racontez-moi une histoire. Oh, oh Dieu! Pendant que je fume. Bon. Oh, oh, oh. J'en connais une petite merveille. C'est un type, il vend des soutiens-gorge. Et il dit assez... Je suis pas sûr qu'elle soit pour les dames. Même comme moi? En y réfléchissant, je suis même pas sûr qu'elle soit pour les hommes non plus. Mais pour qui alors? Pour les gendarmes. Et encore, tout juste. Dommage. Oh, ce que tu fais! Ne me pousse pas! Faut pas être nerveuse comme ça. Excusez-moi. Et puis dis, sans te toucher. Ça va pas être commode. Je voulais dire que je voudrais bien fumer un peu tranquillement. Bon, bon, bon, ben laisse-toi aller, que diable. N'oublie pas que les femmes ont en plus tout ce qu'elles donnent. Parce qu'elles fendent. J'ai pas été assez généreux avec toi. Oh. Vous avez été merveilleux. Ah bon? Ah bon? Non, je me disais aussi, en général, je fais bien les choses. Pas souvent, mais bien. Merveilleux. Tu connais ma devise? Faut ce qu'il faut. Très belle devise. Je suis pas ce qu'on appelle un Casanova, mais je suis plutôt très bien que mal. Plutôt. Eh ben alors? Je vous trouve un peu brusque. Ah, trop direct, hein? Pas assez câlin. Ma foi. Ah ça, les égoïstes comme moi sont sûrs d'être aimés pour eux-mêmes. Sûrement, sûrement. Surtout quand ils ont comme moi l'œil zigane. L'œil zigane. Et la prunelle et le porte-monnaie rigolard. Ah oui, oui. Eh ben alors, qu'est-ce que t'as? Rien. Je suis pas une fête pour vous. Tu te fous de ma gueule, dis? Non. Alors il faut que tu sois une fête pour tes clients, sans ça tu boudes? Mais non, mais non. Eh ben dis donc, si c'est ça l'amour à la tyrolienne. Mais vous m'avez pas compris. Bah, tu penses que j'ai pas compris, hein? Allez, maintenant, assis à rigoler. Mais non, mais non. Rigolons encore. Non, tu vas pas faire comme l'autre jour, celle qui comprend pas le français, hein? Hein? J'ai dit, maintenant, assez rigolé. Mais allez-vous laisser ces rideaux tranquilles? Costi, lâche ça! Quand je pense comme nous vous aimions encore avant la guerre... Cause toujours! Au secours! Mais ça... Aïe! Vous m'avez fait mal. Pardon. Mais aussi faire ça à un gendarme! Pour qu'on croit que j'ai voulu te violer! C'est moi qui vous demande pardon. Pardon. Nicht, nicht, ein Traum. Gut, gut. Ich hatte Angst, die Mauer der Tasse geschlossen. Guten Abend. Guten Abend. Mais je t'avais pas payé, dis. Mais si. Eh ben alors? Je l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça m'a échappé. Ça t'a échappé? Quand votre bouche a touché la mienne, ça a été plus fort que moi. Ben c'est excessivement désagréable! J'ai failli me trouver mal. Oh ben d'ailleurs, ben de mieux en mieux! J'ai failli vous mordre, hein? Failli? Si j'avais une arme, je crois bien que je vous aurais tué. Alors toi, faut plus que tu fasses ce métier-là, hein? Je sais bien. Tu parles et tu réagis comme une vierge. Oh, vous exagérez tout de suite. Ben comme une amoureuse alors. Comme une amoureuse. Tu es amoureuse de quelqu'un? C'est rigolo l'amour. J'en avais entendu parler et je m'en rendais pas compte. À propos, comment va Roméas? Vous me croyez amoureuse de Roméas? T'es amoureuse de Charles, ma pauvre vieille. Je sais pas. Je sais plus. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que je te comprends. Il y a quelque chose, c'est ce type. Il y a quelque chose. Une espèce de force. Je me suis souvent demandé ce que c'était. Je crois qu'il est très bon. Oui, peut-être, oui. Quand il se conduit mal, c'est que ce serait mal de se conduire bien. Enfin, à son point de vue. Oui. Tu seras très heureuse avec lui. Il fait une chaleur dans cette pièce. Je sais pas si c'est la lutte ou l'humiliation. Mais tout à l'heure. Eh ben tout à l'heure, j'avais des raisons de fermer la fenêtre. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je pourrais plus descendre dans la rue. Tu penses? Si t'as pas pu avec moi. Puis d'abord c'est mal. Oui, comme tu dis, c'est mal. Et puis Charles pourra plus te rapporter de marchandises parce que je l'ai à l'œil. Et qu'il a juré sur sa mère. Tiens. Commence donc par regarder ce que je t'ai donné. Ben non, ce serait pas honnête. Et puis rajoute-y C'est 2,5 billets. Oh, mais je ne peux pas, vous êtes fou. Écoute, me forcez pas à assister parce que faut pas croire que ça me fait plaisir. Dans ce cas... Mes moyens ne me permettent pas de me payer deux fois ce qu'on me refuse. Y a rien de tel que les baisers donnés de bon cœur, hein. Alors tu lui donnes des baisers de bon cœur? Il m'a fait peur, cet imbécile. Charles, suffit pas que tu l'embrasses, faut encore que ce soit de bon cœur. Tu vas être ridicule, mais dans 2 minutes. Ne perdez pas votre temps à nous justifier. Alors Edmond, ça va? Tu t'es bien amusé? Oui, mais pas de la façon que tu crois. Menteur! T'étais tellement content d'elle que t'as rajouté 2000 francs. Il est bien libre? Quand on te connaît, fallait vraiment que tu sois bien amusé. Il s'est très bien amusé, n'est-ce pas Edmond? Seulement la rigolade est terminée. Je vais te casser la gueule. Ah. C'est bien toi qui disais il est si bon. Ah, parce qu'en plus vous parliez de moi. Ça l'amusait, il t'aime beaucoup. Oh, bon, non, elle te fait marcher. Tu vois pas qu'elle te fait marcher? Mais... Il s'est rien passé entre nous. Mais tu crois que je t'ai pas entendu? Tout à l'heure, j'avais eu raison de fermer la fenêtre. Et la suite, tu l'as entendu? Ah bah non, t'étais rentré. Mais je t'ai vu. Tu lui as donné 2,5 billets. Il y a pas que toi, de généreux. Ah! C'est à se casser la tête contre les murs. Dis donc, tu crois pas qu'on a assez plaisanté? Si. Edmond a dit la vérité, il ne s'est rien passé entre nous. Je te la casserai, ta jolie gueule. Mais c'est pas vrai. Et quand je t'aurai aplati, si je te jure encore que nous avons seulement bavardé, est-ce que tu me croiras? Seulement bavardé? Et ces baisers de bon cœur autour de la figure? C'était de l'amitié. Moi, je m'en foutrais de l'amitié. Mais pourquoi faut-il que je tombe toujours sur des idiots? Bah, tu me trouves idiot parce que je suis pas de ton avis? Non, mais si tu réfléchissais un peu. Bon, si on t'écoutait, on passerait sa journée à réfléchir. Alors réfléchis pas, regarde. Là, tu vois bien qu'il n'est pas défait. Qu'est-ce que ça prouve? Bon, alors, je suis venu pour ça, c'est vrai. Seulement, elle a pas pu. Ce serait pas plutôt toi? Bravo! Bravo! Insulte-moi maintenant! Elle a si peu pu qu'elle a crié au secours. T'as crié au secours? Oui. Il m'en défend toi. Mais je suis trop fort pour toi, je vais t'aplatir, je te dis. Défends-toi, je te dis. Allez, allez. Bon, très bien. Alors, enlevons au moins nos dolmans, que ça puisse passer pour une bagarre entre hommes. Que tu puisses oublier que je suis gradé. Allez, je t'attends. Hein? Non, mais dis donc, il n'y a pas le feu, non? Alors, et toi, tu le laisses faire? Ben, je m'en souviendrai de m'aborder du 6 octobre. Alors, c'est pour aujourd'hui, oui? Ben, ouais, c'est bien pour te faire plaisir. Hein. Alors, ça te suffit comme ça? Non! Oh là là là là là! Je te vais te... Ah! Ah, dis donc. Ouais. Ah oh. Non, écoute-moi, Charles. Entre Edmond et moi. Et s'il m'a donné de l'argent, c'est juste pour que je n'aille pas crier au secours avec d'autres. C'est vrai? Tiens, c'est monsieur du 37e. Mais c'est vrai qu'elle n'a rien été pour toi? Elle te l'a juré sur la tête de sa petite sœur. Oh, c'est épatant, c'est merveilleux. Tu permets que je t'embrasse? Quoi? Toi aussi, tu crois? Ah oui, c'est de bon cœur. Si ça peut te faire plaisir. Tu sais que j'ai pas beaucoup d'argent en ce moment? Oui, mieux que personne. Mais je te rembourserai, je te le promets. Je vendrai ma bicyclette à Châtelard, j'hypothèquerai la ferme, l'atelier et tout. N'est-ce pas qu'il est épatant? Épatant, il est épatant. Dis donc, comment vois-tu ça? Ça quoi? Le remboursement. Non, je suis pas pressé, mais autant régler ça pendant qu'on est là. Hein, c'est... Dans 6 semaines, qu'en penses-tu? Je t'en donne 12, je connais la vie. Merci Edmond. Et si tu peux pas, Te casse pas la tête, j'en ai eu pour mon argent. Qu'est-ce que tu dis? Oh non, non, ça va pas recommencer. Je te dis, j'en ai eu pour mon argent parce que je sais maintenant que l'amour existe. Allez, enfants, je m'en vais. Adieu, je pars à regret. À regret? Mais tu pars. À bientôt, Edmond. À bientôt, Victor. Carola. Mais avoue que j'avais raison, hein. Il y a une force chez ce type. Oh, non. Alors, c'est vrai que t'as appelé au secours? Eh oui. À cause de moi? À cause de toi. Oh, c'est très beau, ça. Très. Seulement, c'est un peu triste que mon... Enfin, disons-le, que mon amour n'ait servi qu'à t'empêcher de gagner ta vie. Que veux-tu? Ma princesse, mon petit ange, ma reine, ma jolie, ma gentille. Oh, arrête-toi, j'ai l'impression d'être toute nue. Oh, c'est épatant. Tu ressembles à ma grand-mère. Ben, je te remercie. Non, à la photo de ma grand-mère, le jour de son mariage. Oui, elle s'est mariée très jeune. J'aime mieux ça. Alors, c'est possible. C'est tout à fait possible. Quoi? Cette fille-là, je peux l'épouser et je l'épouse. Mais seulement débarbouillé, hein? Oui, débarbouillé, je peux te présenter à maman. Non, mais c'est vrai, tu veux m'épouser? Puisque je te le dis. Oh, toi, je te vois venir, hein? Quoi? Tu vas me demander de tirer les rideaux. Pardon? Oh, tu espères que je vais avoir un grand mouvement de reconnaissance. Oh, pas du tout. Je te connais, hein? Si on t'écoutait, on se marierait toute la journée. Oui, tandis qu'à toi, il te faudra un pense-bête. Alors, c'est vrai, tu veux m'épouser? Mais je te le jure. Tiens, sur la tête de ta future belle-mère. Oh, j'ai rougi. Ça ne m'était pas arrivé depuis 2 ans. Ça te va bien. Alors, tout de suite? Ah, ben non, pas tout à fait tout de suite. Ah. Non, mais j'ai sauté le mur. Alors, en rentrant ce soir, forcément, je suis bon pour 15, dont 8. Alors, dans 15 jours? Et dans 3 mois, à l'église. Là-bas. Mais je crois que... Nous avons oublié l'essentiel. Ah oui. L'essentiel, c'est Manfred. Hein? Tu l'aimes encore? Tu penses à Manfred? Oh, ça, c'est drôle. Moi, il n'y a que les lettres anonymes qui m'y fassent penser. Eh bien, si c'est pas Manfred, alors quoi? Il faut que tu dises toi, ta mère, tout. Mon passé, et du passé, j'en ai. Hein? Je ne veux pas qu'elle m'accepte comme une jeune fille pure et chaste. Oh, non, non, non, c'est pas possible. Tu es là, Victoria? Attention, on a relâché Manfred. Oh, bon Dieu. Oh, bon Dieu, de bon Dieu. Le lieutenant n'a pas porté plainte. Bon, voilà une idiote. Je crois qu'on va classer l'affaire. En tout cas, on l'a relâché. Oh, c'était trop bon. Je vous dis ça parce que vous avez été très bien l'autre jour. Prenez garde, bonne chance. Eh ben voilà. Maintenant, c'est la fin. Je crois pas. On va lutter quand même. Mais on ne peut rien faire. Mais c'est un suicide. Si tu veux. Non, c'est une catholique qui me dit ça. D'abord, l'église interdit le suicide. Pas celui-là. Et j'ajoute que suicide n'est pas français. Il n'est pas tellement autrichien non plus. Je vais me poster près de la porte, prêt à bondir. C'est ça. Un bon coup de tête dans le ventre pour commencer. Et après, l'inspiration. Ça, l'inspiration. L'embêtant, c'est qu'il soit si fort. Ben oui. Et je l'ai dénoncé, alors il nous tuera. Mais c'est de l'entêtement. Nous avons trouvé une raison de vivre. Lui les a toutes perdues. Mais oui, logiquement, c'est lui qui devrait se suicider. Mais allez donc demander de la logique à ce garçon-là. Tu vas rester longtemps, là, comme ça, prêt à pontir? Ouais. Ouais, t'as raison. S'il venait pas tout de suite... Mais il ne viendra pas tout de suite. Il attendra le moment où nous n'y penserons plus. Mais tu crois qu'il y a un moment où nous n'y penserons plus? Oh oui, sûrement. Si tu m'en parles pas tout le temps... Tu me fais beaucoup de peine. Moi? Ben oui, j'espérais que tu étais heureuse. Enfin, sans le savoir, bien sûr. Mais je suis heureuse. Mais certainement pas. T'as l'air de mépriser la mort, mais c'est la vie que tu méprises. Tu te fous de mourir. Hier encore, je t'aurais comprise, mais... Mais aujourd'hui, après nos fiançailles, c'est vraiment pas bien. Oh, tu es adorable. Ferme le rideau. Oh non. Ferme-les vraiment. Tu veux dire? Avec une arrière-pensée? Oui. Oh non, non, non, j'ai vraiment pas la tête à ça. Alors, si tu préfères réfléchir... Je peux toujours m'étendre à côté de toi. On est bien. Ah oui, on est même très bien. S'il n'y avait pas cette énergumène. Mais fous-toi ton de ça. Remarque, c'est une consolation de mourir ensemble. Toute petite? Oui, c'est pas une veine, bien entendu, mais c'est une consolation. Mon pauvre petit chat. Mon pauvre petit Charlot. T'es à plaindre aussi. Moins que toi. Non, mais beaucoup plus, parce que moi, enfin, j'ai tout de même rigolé dans la vie. Tandis que toi, c'est pas très juste. Non, c'est pas très juste. Je vais fermer les rideaux. Ah. Je vois pas pourquoi je te refuserais cette petite distraction. Oh, j'ai envie de vivre. C'est lui. Et au moment où on n'y pensait plus... Non, c'est moi qui l'ai dénoncé. T'as pas assez rigolé. La seule chance de rigoler, c'est toi. Derrière. Non, j'ai dit derrière. Non. Prouve-moi que tu m'en remets. Mon chéri, tu es tellement merveilleux, c'est trop bête. Mais bon, bah alors qu'est-ce qu'il fout? Les tueurs sont pas si maladroits d'habitude. Bon, allez, tant pis. J'ouvre. Avec cette minuterie qui ne marche jamais, je n'arrivais pas à trouver le gros tas serré. Et ce n'est pas tellement drôle. Oh, si, oh, si. Il n'a pas de lumière dans le couloir, je m'excuse. Oh, cher bon papa. Je vous demande pardon, le mot me gêne. Ma fille, il faut s'expliquer. Non, non, non, bon papa, je dis bien bon papa. Une grande nouvelle, Carola m'épouse. Vous êtes content? Schwein. Mais tu n'es tout de même pas jalouse de moi? Pas de toi, de lui! Allons bon, voyons ma petite fille! Naturellement, toi, un gendre qui épouse, ton rêve! Encore une fois, tu m'humilies! Pardon, papa. Mais j'y songe, papa. Où as-tu trouvé ces clés? Ce sont celles de Manfred, c'est lui qui me laisse la remise. Tu as vu Manfred? Oui, j'étais avec elle, c'est le docteur Klein dans le jardin public. Ça ne nous intéresse pas du tout, papa. Que faisait Manfred? Il embrassait une fille sur un pan. Déjà. J'espère que t'as pas trop de peine. Mais Manfred t'a parlé, que t'a-t-il dit? Il m'a dit, vous raconterez votre fille ce que vous avez vu. Ça ne me rassure pas du tout. Il a ajouté, dites-lui que je suis très heureux, que je ne vais pas... Enfin, en allemand tout ça, quoi. Oui, il a dit, je lui demande de ne pas me saluer quand elle me rencontrera. Devant le docteur Klein, j'étais vexé. Bon, bah alors, à dans 15 jours. Comment, dans 15 jours? Ah oui, j'ai sauté le mur. Alors en rentrant ce soir, je suis bon pour 15 dans 8, c'est régulier. Bon, bah en attendant, hein. J'écris tout à ta mère. Mais sois pas bête! Les parents, c'est pas si mal de leur mentir. Oh, pardon. J'ai souvent regretté que tu ne puisses pas le faire. Carola, ma petite bonne femme, ma fiancée. Tu sais que j'ai pas beaucoup d'argent en ce moment et tu as besoin du peu que tu as, mais je vais te donner. Tu vas peut-être trouver que je manque un peu de tact, mais c'est tout ce que je possède. Une médaille. C'est celle de ma première communion. Oh, c'est aussi bien. C'est même mieux. Tu te rends compte? Mon père s'est privé de tabac pendant un an pour qu'elle soit plus grosse. Ouvrez, police! Chasseur, demandez-moi si je suis content. Brigadier, est-ce que vous êtes content? Oui, chasseur, je suis très content. Mais Edmond, où as-tu fait tout ça? Le magasinier s'est toujours pas retourné. De jouer pour vous ce soir et de Marcel Achard. Dans une mise en scène de Jean Meyer. Un décor de Georges Vakevitch. Des costumes de Donald Cardwell. Avec Didier Rousset. Jean-Claude Leguet, Brigitte Chamarande, Pierre Auffray, Lefèvre Belle, Balutin, Patrick Préjean, et Hamarante. Alors nous disons à sortir, je ne sais pas.